Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, des nouvelles de Gisèle. Après 20 ans de succès avec sa complice Lucienne et près de 600 000 vidéos vendues depuis 1998, Gisèle Rouleau revient dans un spectacle inédit intitulé « En coup de vampe ». Ben bonjour madame, alors je viens pour mon amie, Mme Janssen. Elle m'a précédé de peu avec une civière et deux motards. Janssen, oui. Janssen. Eh ben Jean comme jambon et Seine comme Seine d'agneau, quoi. Une moelleuse. Avec un sac fourre-tout très abîmé. Non, pas le sac, mon ami. Où qu'elle est? Au plâtre. Oh, ben ça va mieux alors si elle fait déjà des ateliers. Non, pas de brancardier. J'ai besoin de personne pour l'installer. Je m'en occupe. Je vais la pousser à fond dans les couloirs, ça va la faire sécher. Bon, allez, vous installe. Ça va, je vous ai pas fait mal? Hein? Marquez, vous êtes presque sèche, non? Ouh, bah dites donc, c'est du costaud, hein? Ah, ils sont pour moquer de vous, hein? Là, c'est marrant, hein? Et vous voir comme ça, ça me rappelle mon mariage. On avait commandé des pigeonneaux en croûte de sel. Ben, vous savez quoi? Ils vous ressemblaient! En coup de vampe, avec Dominique Delacoste, un DVD Studio Canal.